Chant numéro 28. Qui pourrait raconter, même dans un discours sans l'entrave des vers, le sang et les fléaux qui se montraient là-bas? La langue la plus riche, même en le répétant, n'y saurait parvenir, car notre intelligence et nos expressions ne suffiront jamais pour traduire ces choses. Et si quelqu'un pouvait réunir tout ce monde qui, sur le sol heureux des Pouilles d'autrefois, avait perdu la vie en luttant contre Rome, ou dans le grand combat à la suite duquel fut ramassé d'un eau cet abondant butin dont parle Tite Live, écrivain véridique, et même en ajoutant ceux qui furent tués pour s'être soulevés contre Robert Guiscard, et ceux dont si souvent on retrouve les os au champ de Séprane, où les gens de la Pouille se sont conduits en traîtres, et à Tagliacozzo, où le bonhomme Allard avait vaincu sans armes, afin qu'ils montrent tous leurs moignons et leurs plaies, cela ne serait pas assez pour régaler le spectacle inhumain du 9e giron. Le tonneau, lorsqu'il perd quelque douve ou le fond, ne reste pas béant comme un que j'aperçus ouvert depuis le cou jusqu'au trône des paix. Entre ses deux genoux pendillaient ses boyaux, les entrailles à l'air, avec le sac fétide qui prend nos aliments pour les merdifier. Je tenais mon regard rivé sur cette horreur. Il ouvrit, m'ayant vu, de ses mains sa poitrine et dit « Regarde donc comme je me déchire. Vois à quel triste état est réduit Mahomet. Celui qui va devant en pleurant, c'est Ali, le visage béant du toupet au menton. Tous les autres esprits que tu peux voir ici dans la vie ont été de semeurs de scandales et de schismes, et voilà ce qui les fend ainsi. Un diable qui se tient là-dedans nous accoutre de si triste façon, en nous faisant passer tous ceux de notre troupe au fil de son épée, lorsqu'on a fait le tour du chemin de douleur. Car nos blessures sont à chaque coup guéries, aussitôt qu'il nous faut retourner devant lui. Mais toi, qui donc es-tu qui lambines là-haut, sans doute dans le but de retarder la peine qu'on a dû t'infliger sur ta confession? Pour celui-ci, la mort n'est pas encore venue, dit mon maître. Il n'a pas à expier des fautes. Mais afin qu'il en ait entière connaissance, je dois, moi qui suis mort, l'accompagner partout à travers cet enfer, de vallon en vallon. Et ce que je t'en dis est pure vérité. En entendant ces mots, plus de 100 de ces ombres s'arrêtèrent au fond du fossé pour me voir, si surpris qu'on eût dit qu'ils oubliaient leur peine. Puisqu'il en est ainsi, dis à frère Dolcin, toi qui verras bientôt sourire le soleil, s'il ne veut pas grossir trop vite notre rang, qu'il prenne en quantité des vivres, car la neige pourrait seule donner la victoire à Novare, qui peinerait en vain pour l'avoir autrement. Ensuite, après avoir prononcé ces paroles, qu'il dit au pied levé, sur le point de partir, Mahomet repartit et s'éloigna de nous. Un autre, qui venait avec la gorge ouverte, et dont le nez coupé saignait jusqu'aux sourcils, pendant qu'il ne gardait qu'une oreille des deux, venait de s'arrêter devant nous, parmi d'autres, pour nous voir. Il ouvrit la bouche le premier, toute rouge de sang ainsi qu'une blessure, et dit « Toi qui n'as pas de faute qui te damne, et que j'ai déjà vu sur la terre latine, si quelque faux semblant n'abuse pas mes sens, souviens-toi d'avoir vu Pierre de Médecine, si jamais tu reviens pour voir la belle plaine qui, partant de Versailles, descend à Marcabo. Va voir Messire Guide avec Angiolello, les meilleurs de tous ceux de Fano, pour leur dire qu'aussi vrai que d'ici nous voyons l'avenir, ils se verront jeter hors de nef à la mer, une pierre à leur cou près de Cattolica, grâce à la trahison d'un inique tyran. Depuis l'île de Chypre à celle de Majorque, Neptune n'a pas vu de crime plus atroce commis par un corsaire ou par les gens d'Argos. Ce traître sans aveu, qui ne voit que d'un œil et régit ce pays qu'un de mes compagnons eût sans doute aimé mieux n'avoir jamais connu, sous couleur de vouloir venir à Parlement, s'arrangera si bien qu'ils n'auront plus besoin de prier pour le vent qui les mène à Focard. Moi, je lui répondis, « Montre-moi de plus près, si tu veux que là-haut je porte tes nouvelles, celui dont tu me dis qu'il eut la vue amère. » À ces mots, il posa la main sur la mâchoire d'un de ses compagnons et lui ouvrit la bouche en disant, « Le voici, mais il ne parle pas. » C'est lui qui dissipa le doute de César dans l'exil, lui disant que celui qui, tout près, prend le parti d'attendre est toujours dans son tort. Oh, comme il paraissait malheureux et défait, Curion, sans la langue arrachée au gosier, et qui parlait d'abord si témérairement. Un autre, dont les mains avaient été coupées, levait dans l'air obscur les deux moignons sanglants qui de son propre sang barbouillaient son visage et me criaient de loin. « Souviens-toi de Mosca, qui dit le malheureux, le vin en est tiré, semant le grain d'ivraie entre ceux de Toscane. » Je ne fis qu'ajouter, et la fin de Taras. Alors, cette douleur augmentant la première, il disparut soudain, déconfit et confus. Je restai cependant à regarder les autres, et je vis un objet que, sans d'autres témoins, je devrais hésiter à raconter tout seul. Mais j'ai ma conscience à moi, qui me rassure et enhardit mon cœur, cette noble compagne sous le puissant aubert de sa propre innocence. Je vis, sans en pouvoir douter, et il me semble que je le vois encore, un homme qui marchait sans tête dans les rangs de ce triste troupeau. Il portait, la tenant par les cheveux, sa tête coupée au bout du bras, en guise de lanterne, et la tête louchée et nous disait « Hélas !» Il semblait se servir de fanal à lui-même. Ils étaient deux et un et deux à la fois. Celui d'en haut sait seul comment cela peut être. Lorsqu'il fut sous le pont, juste au-dessous de nous, il leva vers le haut le bras portant la tête, pour mettre ses propos plus à notre portée, et il dit « Tu peux voir la peine qui m'afflige, toi qui viens visiter les morts et qui respire, et dire s'il existe un tourment plus cruel. Et si jamais tu veux dire au monde mon nom, tu sauras que je suis Bertrand de Born, qui fut le mauvais conseiller de mon trop jeune roi. J'ai fait des ennemis du père et de son fils, tout comme Achitophel, dont les pointes perfides soulevaient Absalom contre David, son père. Pour avoir séparé deux êtres si liés, je porte, hélas, ainsi mon cerveau, séparé du principe vital qui siège dans ce tronc, afin de m'appliquer la loi du talion. »